بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنستمر في دروسنا ولله الحمد والمنة. On continue nos دروس. Aujourd'hui on commence ensemble ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد شرح هذا الباب المهم أي كتاب الصيام من الملخص الفقهي للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. فشهر رمضان سبيانتو إن شاء الله. المسلم يدوى فير دي زيفور في تعلم دينه pour apprendre son دين. إذا جاءت مناسبة أو عبادة un temps précis que رمضان صيام رمضان أو الحج المسلم il est concerné par cette عبادة. Il doit faire des efforts. L'ijtihad fi at-ta'allum est pour apprendre comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. لأن العبادات لها شروط ولها أركان ولها واجبات. كذلك il y a des choses qui annulent certaines عبادات. المسلم كبع على بصيرة أي على علم ربما il applique une ibadah et elle n'est pas maqboula bisabab jahlih ou il annule cette ibadah binaqid min an-nawaqid wa huwa la yadri bisabab jahlih à cause de son ignorance. On est tous concernés comme akhbara al-mustafa sallallahu alayhi wa sallam biqawlih talab al-ilm faridatun ala kulli muslim. C'est une obligation pour chaque muslim al-ilm. Et l'obligation, c'est ce qui concerne ce musulman. Wa alhamdulillah, on est tous concernés par Siyam Ramadan. Donc, on doit faire des efforts. Apprendre comment faire le Siyam, ce qui annule le Siyam. Celui qui a manqué un jour, qu'est-ce qu'il doit faire? Ma yata'allaq ahkam sahur wa al-iftar et al-ad'iyya qui sont mashru'a à dire. Kadhalik ma yata'allaq bi al-tarawih. وليلة القدر فهذا الشهر العظيم شهر رمضان المبارك il y a beaucoup de عبادات à faire durant ce شهر. المسلم il doit faire attention à deux choses. أولا الإخلاص لأن الصيام والقيام tout ça c'est des عبادات et المسلم il est récompensé par rapport à sa niya, à son intention. On fait des efforts في النية دائما que ce soit pour le siyam ou autre. لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré dans plusieurs ahadith أن العمل il est fondé sur النية. قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Chacun selon son intention. Donc on fait des efforts في الإخلاص. هذا الصيام c'est لله عز وجل وحده. Le but c'est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala wahda la sharika lah. Falihada qala alayhi salatu wassalam man saama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa fi al-hadith al-akhar man qama ramadan ay celui qui fait le qiyam durant le mois de ramadan ay as-salat fi al-layl man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Vous avez remarqué que les deux hadiths, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité une récompense azim, ghufran adh-dhunub, et que les péchés de ce musulman seront effacés, lakin bi shart man saam ramadan imanan wa ihtisaban. Al-iman wa al-ihtisab. Al-ikhlas, c'est muhim. Al-muslim, hadhihi al-ibad al-azim, il doit faire attention que ça ne devient pas comme une coutume, la routine. أنه يصوم لأن الناس يصومون. فبعض الناس ils ont retenu de ce din que le siyam. فمن صام عندهم c'est un muslim. Et celui qui fait pas le siyam c'est pas un muslim. لماذا؟ لأنهم cette عبادة ils la font comme si c'était une coutume. فَلِهَذَا الْبَعْضَ رُبَّمَا Si واحد fait du shirk بالله عز وجل, pour lui c'est pas trop grave. لأنه il connaît pas le shirk. لكن si واحد délaisse le صيام, فَهَذَا سَأَنَاقِدْ مِنَ النَّوَاقِضَ لَا يُغْفَرْ عِنْدَهُمْ لِمَاذَا لِأَنَّا ils ont appris de leurs parents ou autres هكذا. Et donner de l'importance au siyam, c'est muhim. Lakin, apprendre comment jeûner et toutes les règles qu'on va citer ensemble, inshaAllah ta'ala, c'est aham. Hatta al-muslim, il adore Allah subhanahu wa ta'ala à la basira. Et le but de cette risala qu'on va étudier ensemble, ou le chapitre, un chapitre de ce livre de Shir al-Bawzan, le but c'est hada. En soi à la basira. La deuxième chose, on l'a cité la première, l'ikhlas, la deuxième chose, muwafaqat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hadhihi al-ibada, ay adore Allah subhanahu wa ta'ala comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a démontré. Falihadha qala sallallahu alayhi wa sallam sallu kama ra'aytumuni usalli, hadha fi as-salah. Et on doit faire salat comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait salat. Et كذلك الحج خذوا عني مناسككم قال صلى الله عليه وسلم في جميع العبادات لأنه صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Celui qui invente une chose, qui rajoute une chose que le Nabi صلى الله عليه وسلم il a pas fait ou il a pas démontré ou il nous a pas ordonné de faire, واحد invente من عنده فهذه العبادة n'est pas مقبوله ولو سيل بنية. هذا المسلم دائما doit faire des efforts dans deux choses, l'ikhlas et adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait, sans rajouter. بقدر الاستطاعه, on peut avoir des faiblesses, des manques dans certaines choses, لكن rajouter لا يجوز. Et كذلك les faiblesses, bien sûr, celui qui a une excuse, etc. لكن le rajout c'est quelque chose en plus, enfin, on n'a pas le droit aslam. Tu peux avoir un manque, tu peux avoir une faiblesse ou tu n'as pas la capacité, مثلاً, pour soyer بعض الناس, ils ne peuvent pas. Ah, Inch'Allah, ils sont ma'adhouroun, عند الله, ils sont excusés. Lakin le rajout, pourquoi? Pourquoi rajouter? Ad-din, il est kamil, il est complet. Nous, on n'a plus qu'à prendre, في الحقيقة. Lakin, pour prendre sans rajouter, il faut du ilm. Pourquoi بعض الناس, ils inventent des choses, que ce soit dans le mois de Rajab, que ce soit dans le mois de Sha'ban, que ce soit dans le mois de Ramadan? Limada? Al-jahl. Ils pensent que cette chose c'est bien de la faire à tel moment. Ils sont motivés, ils sont sincères. Et tellement qu'ils sont motivés, ils rajoutent des choses en pensant que plus tu rajoutes, plus tu as du ajr. Et notre dîn il n'est pas fondé sur hada, abadan. Notre dîn c'est plus tu suis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et tu es sincère, plus tu as du ajr. Amma rajouter, ça peut éloigner hada al-muslim min Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est très très important. قال عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فتأملوا الآية. قال عز وجل أحسن عملا أي celui qui fera les meilleures œuvres. الله عز وجل il a pas dit le plus d'œuvres, لا. لأن المهم c'est de adorer الله سبحانه وتعالى بإخلاص وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أما rajouter faire beaucoup et il manque une de ces deux conditions, fait l'amal, il n'est pas maqboul. Et si ce muslim, il est à la ilm, il est athm. Il veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et il commet des péchés. Du ithm maktoub alayhi, l'anna al-bida' c'est min al-dhalal. Wa al-dhalal, comme akhbar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fi nar. Hada c'est muhim. Anahnu wa lillahi alhamd, shahru ramadhan, c'est bientôt. On fait des efforts. Et chaque muslim, il doit faire des efforts fi hada al-bab. Fa kam min al-muslimin. Et chaque année, ça se répète. Vous avez remarqué toujours les mêmes questions. Toujours les mêmes ishka. Et ça, c'est tayyib, le haqiqa. Celui qui ne sait pas, il pose la question. Lakin, akhi al-karim, la tarda li nafsik bil jahl. Fais des efforts. Fais des efforts. Il y en a beaucoup de questions. Puis, Ramadan, c'est des choses très très simples. Fil haqiqa, si wahed, il aurait étudié, ou lu, ou écouté, kalam ahl al-ilm fi hada al-bab, pas beaucoup de questions, elles n'ont pas à être posées. لكن ceux qui n'ont pas les moyens d'étudier ila akhri fala shak annahum yasalun. لكن tout ça pour vous montrer ان التقصير حاصل. التقصير il est حاصل, et le manque d'effort, voilà, on le voit et vous le voyez. نحن on essaye de faire des efforts et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala التوفيق ولا تنسى أن السيزيفور كسوا في تعلم هذه العبادة العظيمة رمضان الصيام أقصد أو أدخل طريق الجنة تتعلم تؤدوي الله سبحانه وتعالى على علم وعلى بصيرة إيه لا شك أن هذا طريق الجنة وكذلك لفت دابخوندر ليزيفور تؤى أجر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Celui qui fait un effort pour apprendre un علم الله lui facilite طريق الجنة. المسلم fait attention à الدنيا وفتنة الدنيا كمن الناس ils oublient tout ça. ثم إذا جاء رمضان ils sont pas prêts, ils sont pas appris. ربما le cœur il est malade à cause des maasi ou al-ghafla et il profite pas de هذا الشهر. Et ربما ونسأل الله العافية il rentre pas في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. C'est pas tous ceux qui jeûnent annahum ils ont la récompense. Là, celui qui a la récompense c'est celui qui a appliqué les deux conditions, ikhlasun wa mutaba, la sincérité et le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa sanaqra inshallah dans ce dars un kalam jamil de l'imam Ibn Qayyim rahmatullah alayhi et il va démontrer c'est quoi haqiqatu siyam. Ay, le siyam, le jeûne que Allah subhanahu wa ta'ala il aime, le siyam qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, le siyam qui va être utile pour toi fi dunya wa fi l'akhira. Hada le kalam lil imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh, et on conclut le dars avec hada le kalam al-jamil. Qala rahmatullah alayh, kama fi kitabihi al-nafis al-wabil al-sayyib, والصائم هو الذي صامت جوارحه عند عن الآثام. Il va démontrer c'est qui celui qui fait véritablement الصيام. الصيام الحقيقي كمقبول عند الله محبوب عند الله جل وعلا. الصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام ولسانه عن الكذب والفحش. الصائم c'est celui dont ses membres جوارحه, ses mains, ses pieds, il a akhiré, ses yeux, son regard, tous ses membres, il s'écarte du haram. Et il s'abstient de faire du haram. قال ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور. كذلك sa langue, elle fait الصيام. Il ment pas. في الحقيقة هذا c'est في رمضان وفي غير رمضان. لكن في رمضان أكثر أنه il ment pas. Il parle pas sur les gens. بعض الناس يصومون et du matin au soir, jalisine, ils parlent sur les gens. Fayasumun, ay, leur ventre, ils mangent pas, ils boivent pas, et qu'ils leur lisent, ils font pas siyam. Bel fi haram. Hada, ça fait du mal à ce jeûneur. Il n'aura pas la récompense comme celui qui fait siyam. Imanan wa ihtisaban. Et s'écarte de ses ma'asi. Qala, wa batnuhu min at-ta'ami wa sharab wa farjuhu an ar-rafath. Na'am. Il n'a pas de rapport. Kadalik son ventre, kadalik sa langue. Et tous ses membres. هذا هو الصائم. قال فإن تكلم لم يتكلم ما يجرح صومه. Si il parle, il parle pas avec une chose qui va faire du mal à son siyam. Les insultes, le mensonge, le faux témoignage, médisance, namima, وهكذا. قال وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه فيخرج كلامه كله نافعا صالحا. Quand il parle, il y a du naf'. فلهذا الصائم ينتبه أكثر ككنت il est pas صائم أنه il dit des choses نافعة il s'écarte du haram. قال وكذلك أعماله فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته. Comme tu profites quand tu t'assois à côté de quelqu'un il a mis du parfum فهكذا tu dois profiter si tu t'assois avec quelqu'un qui fait الصيام. Il n'est pas comme les autres, il est fait ibadatin azim, et ça se voit dans son comportement, dans ses faits, dans ses gestes, dans ses paroles. قال وأمن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم هذا هو الصوم المشروع لا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب. ابن القيم رحمة الله عليه يقول هذا c'est ça الصيام. C'est pas le fait de ne pas manger et boire, فقط لا. الصيام c'est une عبادة عظيمة. إلى آخر كلامه. نكتفي بهذا القدر c'est le prochain dars. Et inshallah, on commence un nouveau point, le début du siyam, le mois de Ramadan. Et كذلك ما يتعلق بالتوقيت في اليوم أي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. La plupart de ces fawa'id, de ces ahkam, on les a cités fait charh umdat al-ahkam qu'on avait fait avec ba'd al-ikhwan, et on a propagé les durus walillahil hamd. Fa celui qui veut des fawa'id robama akthar min huna, c'est cité dans le charh et dans kutub ahli al-ilm, durus ahli al-ilm akthar wa anfa'.